Je sais que ce que je vais vous dire vous fera certainement pleurer, mais je m'en fous pas mal. Je dirais même plus que cela aurait tendance à me réjouir. Le son des pleurs des gens désespérés ont tendance à grandement me divertir. Ceci étant dit, et comptant l'édition de ce soir, il ne reste plus que 3 émissions de réanimation. Et ce, jusqu'à l'automne, bien entendu. Parce que oui, cette année aussi, je céderai la plage horaire de l'émission pour la diffusion du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Donc, si mon but était de vous rendre ces 3 prochains débuts de soirée du mardi pénible, et compte tenu du temps de diffusion qui me reste, je serai aussi bien m'y mettre dès maintenant. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne veux pas votre bien, mais je veux bien votre mal, par contre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. Oh, my God. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 3 mai de l'an de disgrâce 2016. Première émission du mois de mai. Et la troisième avant-dernière aussi pour un bon petit bout de temps. On vient d'entendre la formation britannique Violent Fire et la pièce Odious Bliss qui est tirée de l'album Splinters, qui est leur deuxième et dernier album paru en date d'aujourd'hui, qui date de 2014, sous étiquette Century Media. Juste avant, nous avions les excellents Celtic Frost, défunts bien sûr, les Suisses de Celtic Frost, et la pièce Eternal Summer, qui est tirée du très bon album et deuxième en ligne, ou premier officiellement complet, bref, ça dépend de où on se place, de quel angle on regarde la discographie. To Megatherion, qui est paru en 85, sous étiquette Noise Records. Et est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait une certaine similitude de genre, de style musical entre Violent Fire et Celtic Frost? Et la réponse est oui. Oui, il y en a une. Et je serais porté à croire que le premier, soit Violent Fire, a été influencé fortement par Celtic Frost plutôt que l'inverse. Parce que quand même 29 ans qui sépare ces deux albums, la sortie de ces deux albums. Donc, en fait, Violent Fire, c'est pas toujours du Celtic Frost, non, mais on peut voir à l'occasion certaines influences telles cette pièce Odious Bliss. Avant Celtic Frost, nous avions la formation suédoise Grave et la pièce The Fight qui est tirée du dernier album en 2015, soit Out of Respect for the Dead, oui voilà, qui périt sur Century Media. Et nous avons eu en ouverture de bloc l'excellent This Is Not an Exercise, qui est tiré de l'album de Voivod, le troisième, soit Killing Technology, qui est paru en 1987 sur Noise également. Je crois que la prochaine fois que je vais rencontrer Oui, ça arrive à l'occasion, je vais lui poser cette question aussi. Oui, bien sûr, le batteur de Voivod et aussi, je dirais, le leader du band. Je pense que c'est pas exagéré de le dire. Je vais lui demander, Michel, est-ce que c'est envisageable pour vous que les trois premiers Voivod soient l'album homonyme, Roar et Killing Technology soient éventuellement remasterisés? Pourquoi? Parce que j'adore ces trois albums-là. Ils sont vraiment très innovateurs au niveau du métal. Ils sont vraiment excellents. Mais ils sonnent pas vraiment bien. Et ça peut devenir un petit peu accrocheur quand on compare avec la qualité audio de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qu'ils font eux-mêmes aujourd'hui, Voivod. J'aimerais qu'ils puissent considérer que les jeunes Voivod puissent considérer de voir s'il n'y a pas moyen de faire un remaster de ces enregistrements-là qui, ma foi, évidemment, ils ont été enregistrés dans les conditions de l'époque et avec la technologie de l'époque aussi, mais peut-être y a-t-il quelque chose à faire et ça me plairait vraiment beaucoup. Ceci étant dit, ce soir, effectivement, c'est la troisième avant-dernière émission de réanimation. Comme ça s'est fait l'an dernier, c'est-à-dire à peu près il y a un an ou à quelques semaines près, je vais céder la plage horaire de réanimation, c'est-à-dire le mardi à partir de 19h pour la rediffusion du baseball des Aigles ici, bien sûr, de Trois-Rivières, pour une période allant, j'imagine, aller jusqu'au mois de septembre. La date exacte de retour, je ne l'aurai pas, mais je m'empresserai de vous la faire connaître sur le site de réanimation AD.com, mais aussi sur le site de Cifou lorsque le temps sera venu de mon retour. Donc, je ne quitte pas définitivement, bien sûr. Et si, entre-temps, cet été, vous avez des manques de... Vous êtes en carence de mes imbécilités, venez nous retrouver à Classique. Je vais être encore là, bien sûr. Bref, j'aurai le temps de vous donner plus de détails d'ici les trois prochaines semaines, ou les deux, si on veut. Ce soir, deux présentations de nouveautés qui sont respectivement formation qui est américaine de Phoenix en Arizona, ça Insight, qui donne dans un trash groove metal, j'ai bien aimé. Et aussi la nouvelle parution, le neuvième album studio de la formation belge, Aborted, qui donne dans un death metal relativement graffiniant par moment. Formation que j'apprécie relativement bien, généralement parlant. Donc, présentation, incursion dans ces deux nouveaux albums. Pour le reste, c'est juste des cochonneries, évidemment. Ça dépend de l'angle où on se place, encore une fois, ou de l'angle d'écoute qu'on a, surtout. Non, c'est pas des cochonneries, bien sûr, je n'oserais jamais en passer. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je n'oserais jamais passer de cochonnerie. Pfff, n'importe quoi. Tiens, le jour de la marmotte. Il y a aussi une chronique cinéma, série télé, chronique musicale, bien entendu. Mais sans plus attendre, ceci, allons en pause publicitaire. Voilà. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 6 mai, 21h30, au Zénob. Venez assister à la grande cérémonie musicale Kitsch Pop humoristique de Rob Bob et du Limoilou Libre Orchestra. En première partie, BOM. Pour une folle soirée country, joke, folk et plus, soyez avec nous pour le Rob Bob et le Limoilou Libre Orchestra ce vendredi 6 mai au Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Ma chérie, t'es tellement belle, la masse bonite de la ruelle. T'aimes découvrir la musique, t'aimes réentendre tes classiques, tu veux entendre des B-sides de groupes connus, t'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel, tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Assez pour l'écouter. 19h31, vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated True sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bloc relativement long de 21 minutes. Bon, c'est vrai qu'il ressemble pas mal tout à ça, mes blocs, je dois dire. Bon, un bloc moyen, voilà, moyennement normal. Dans lequel on va entendre des formations qui se donnent, j'imagine qu'ils se donnent à quelque part. Quoique généralement les albums sont assez coûteux, donc ça doit être ils se vendent. Qui donne plutôt dans un métal relativement extrême par moment, ou voire symphonique, ou pour le moins assez particulier. Je parle entre autres de la formation de Project 8 1999, formation suédoise. Mais tout de suite, allons-y avec une formation française dont c'est la première fois que je passe un extrait de cet album, Postmortem Nihil Est, qui est paru en 2013 sur Very Chords. Il s'agit de la formation Dagoba. Let's go! 19h53, c'était l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show. Jusqu'à 21h, en mon humble compagnie et charmante, celle de votre gentil docteur Pendragon. On vient d'entendre à l'instant la formation suédoise de Project 8 1999 et la pièce d'ouverture de leur cinquième album paru en 2005, soit At the Entrance of Hell's Unholy Fire. Qui est tiré de Armageddon March Eternal, qui est paru sur Three Man Recording, avec un personnage particulier comme leader du band, Lord Keith Phillipson, avec qui j'avais eu une entrevue il y a plusieurs années et qui, ma foi, était assez cinglant. Merci. Juste avant, nous avions la formation grecque Septic Flesh, très bonne formation. Très original aussi, qui donne un excellent spectacle d'ailleurs, et la pièce Prometheus, qui est tirée de leur dernier album Titan, qui part en 2014 sur Season of Mist. Et nous avions ouvert avec la formation française de Marseille, mais ici on n'a pas entendu de peu cher, donc ça n'était pas évident. La formation Dagoba et la pièce The Realm Black, qui est tirée de Postmortem Nihil Est, qui, en date d'aujourd'hui, est leur avant-dernier album, paru en 2013, plus précisément le 27 mai. 2013 sur étiquette Very Chords. Ils en ont un autre qui est paru en 2015, Tales of the Black Down, que je ne connais pas. J'ai découvert la formation avec Postmortem Nihil Est. J'ai trouvé ça assez original, qui donne dans un groove metal à tendance industrielle par moment. Ça sonne assez bien, je dois dire, dans le genre. Là, j'ai bien aimé. Et c'est constitué ce deuxième bloc de cette édition de ce soir. Bien sûr, il y a les présentations des nouveautés qui vont débuter dans quelques secondes avec une formation qui vient des États-Unis, plus précisément, t'es pas donc toi, avec une formation des États-Unis qui vient plus précisément de Phoenix, en Arizona, qui s'appelle Insight. Et une formation qui donne dans un trash groove metal. Et je dois dire honnêtement que j'ai bien aimé la formation. Et ce qu'il y a de, disons, d'intéressant au niveau de Insight, c'est qu'il s'agit du chanteur. Le chanteur est nul autre que, ben, nul autre. C'est relatif, là. De Richie Cavalera. Et Richie Cavalera, oui, si vous avez pensé qu'il s'agissait d'un parent de Max, ex-Sepultura et maintenant, bien sûr, toutes sortes d'autres choses comme Cavalera Conspiracy. Eh bien oui, parce que c'est son beau-fils. Et oui, Richie est le beau-fils de Max. Et sincèrement, je dois dire que la musique de Insight et le vocal de Richie Cavalera est pour moi beaucoup plus intéressant que ce que fait Max ou ce qu'il a pu faire. Premièrement, il y a certains trucs que j'ai appréciés avec Sepultura, évidemment. Il y a certains trucs que j'ai apprécié aussi avec les projets subséquents que Max Cavalera a eu. Mais généralement parlant, ce n'est pas là que mon attirance première se porte pour écouter de la musique métal. Donc, je vous propose à l'instant trois pièces tirées de ce nouvel album de Insight, parce que, doit-on le dire, je les ai connus sur le tard aussi, ils existent depuis 2004, ils en sont à leur quatrième album complet studio, soit Operation, qui est paru le 22 avril dernier, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'est de façon indépendante, c'est Minus Head Record. Je peux pas vous dire si c'est un label maison ou si c'est quelque chose d'autre, j'en ai aucune idée. Mais trois pièces tirées de cet album Operation, on va entendre dans l'ordre Never Surrender, Lost Reality et la pièce titre Operation, donc la formation américaine Insight. Let's go! c'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. C'est fou. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matin à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki. C'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. Il est 20h10. Et avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation américaine d'Arizona Insight. Et trois extraits de leur dernière parution, Operation, leur quatrième album studio complet, qui est paru le 22 avril dernier sous étiquette indépendant, ou ben, en fait, Minus Head, là, que je ne connais pas. On vient d'entendre, juste avant la pause, la pièce titre Operation, qui était précédé de Lost Reality et en ouverture de bloc Never Surrender, qui est la pièce d'ouverture de cet album qui, ma foi, est assez intéressant. Et comme je le disais en présentation de l'album il y a quelques dizaines de minutes, 11 minutes à peu près, je préfère de loin le vocal de Richie Cavalera, le beau-fils de Max Cavalera, à celui-ci, bien entendu, et je préfère aussi relativement plus la musique d'Insight à ce que Max a fait ou fait aujourd'hui. Ben, c'est une question de goût, bien entendu, moi j'en ai plein. musicalement parlant aussi, c'est ce vendredi, le 6 mai, que la formation américaine Vector sortira leur nouvel album. Formation de Progressive Thrash Metal, l'album Terminal Radio sera disponible sous étiquette Erake Records. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que, comme je disais la semaine dernière, c'est grâce à mon ami Tower DJ Alter que j'ai renoué avec Vector, que j'avais oublié. Non, mais c'est incroyable, mais il y en a tellement des groupes qu'on peut pas tous s'en rappeler, puis on ne peut pas tous les écouter, et surtout pas à la fois, bien entendu. Bref, Terminal Radio, ce vendredi, est disponible sur Erase Records de Vector. J'avais annoncé la semaine prochaine, ben en fait j'avais annoncé, c'est un grand terme, j'avais tenté de inclure pour cette semaine la formation italienne Darkened et des extraits de leur dernier album The Canticle of Shadows, qui est paru il y a quelques temps à peine sur Non-Saviam Records. Faute de temps, je vais devoir remettre ça la semaine prochaine, mais je vous dis, ce n'est que partie remise parce que c'est vraiment très bon. Et c'est à ma grande surprise, et peut-être même à la vôtre, qui connaissez généralement, ben, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mes goûts musicaux en matière de métal, ben, ça ne fait pas partie, le black metal, de ce que j'aime. Mais ici, le symphonique horror black metal de Darken m'a vraiment plu, donc je me propose de vous faire une incursion, dans cet album de Canticle of Shadows la semaine prochaine. Et les pièces sont généralement longues, on parle d'une moyenne d'à peu près 7 à 8 minutes, donc vous allez en avoir quelques-unes, bien sûr. Autre truc, eh bien, dans quelques instants, je vais vous parler de la formation belge Aborted. Mais avant, une petite chronique musicale, cinématographique, pardon, ce que je raconte, n'importe quoi, comme toujours, évidemment. Ben, c'est ce vendredi. Vous, amateurs de films de super-héros, de Marvel, entre autres, vous pourrez voir la dernière apparition de Captain America, Civil War, qui met en vedette nul autre que Chris Evans, bien sûr, dans le rôle du Captain America, et l'excellent Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, ainsi que Scarlett Johansson. Bref, selon les previews et selon ce que j'ai pu en lire et les publicités qui sont de plus en plus présentes, ben c'est la guerre entre les deux. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Ces deux personnages que j'aime énormément au niveau des super-héros sont très charismatiques. Et j'aurais tendance à dire que Tony Stark est quelqu'un de très particulier. C'est donc ce vendredi. J'ai terminé la première saison de la série, l'excellente série Outsiders, qui est une série à connotation, je dirais, dramatique, criminelle, qui met en vedette David Morse, Joe Anderson et Ryan Hurst. C'est une série de Peter Mattehy. Ben, j'ai trouvé ça très bon, vraiment très bon. Raconte l'histoire des Hillbillies qui vivent dans les Appalaches, dans le Kentucky, je crois, oui. Et qui sont font partie du clan Farrell et qui sont des outsiders, effectivement, comme le titre le dit, et qui vivent en marge de la société et des lois et qui produisent le moonshine comme ça. Le moonshine, si vous n'êtes pas familier avec le terme, ben, c'est de l'alcool frelaté. Souvent du whisky, et qui a tendance à rendre les gens c'est pas erroné. Il y a souvent le moonshine qui rend les gens malades, qui les rend fous, ou qui peut même les tuer ou les rendre aveugles, peu importe. Bref, et qui se voit confronté à cette civilisation, ce gouvernement qui veut les évincer de leurs montagnes afin d'exploiter les mines de charbon qui se trouvent juste sous leurs pieds. C'est vraiment très très bon, ça se retrouve originalement sur WGN America, canal spécialisé, et si vous étiez amateur de Sons of Anarchy, vous allez passablement vous y retrouver parce que c'est un peu le même genre, sauf que ce ne sont pas des moteurs hors-la-loi, ce sont des hillbillies hors-la-loi, et Ryan Hurst était aussi le hoppy de Sons of Anarchy. C'est vraiment très bon Outsiders. Autre truc que j'ai vu et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, c'est, on parlait de super-héros, c'est Deadpool, qui est un super anti-héros de Marvel, qui met en vedette Ryan Reynolds, qui est excellent dans le rôle de Deadpool. Et un Deadpool, ben, c'est une expression américaine dans le crime organisé qui signifie « quel sera le prochain à se faire descendre ». Et ça raconte l'histoire de ce pauvre Wade Wilson qui, malencontreusement, se voit annoncer par son médecin qu'il a un cancer en phase terminale, et quelqu'un le contacte pour lui dire que, ben écoute, moi, nous autres, on peut faire de quoi pour toi. En plus de te guérir définitivement de ta maladie, on peut te rendre beaucoup plus fort sous tous les aspects de ta personne, et voire même te rendre pratiquement invincible. Et il finit par accepter, mais c'est vraiment horrible ce qu'on lui fait subir, tellement qu'il n'en sera jamais revenu le même, et ce, physiquement aussi. Et il décide de se venger de ceux qui ont fait ce mauvais traitement, ce mauvais parti. Mais c'est vraiment excellent comme film, parce que ici, contrairement à bien des films sérieux de super-héros, on allie énormément l'humour, un peu comme Ant-Man l'a fait dernièrement, mais ici, un humour très vulgaire, qui rase le sol par moment, mais qui, à mon humble avis, se prête très bien au type de film. Il est très drôle, ce Deadpool, mais il est aussi rempli de ce film est rempli de scènes d'action qui sont fulgurantes. Le graphisme du film est impeccable. Et je souhaite ardemment qu'il y en ait un deuxième. Autre truc que j'ai vu et qui a été vraiment, mais vraiment d'un ennui mortel, c'est The Forest, un film d'horreur de Jason Zada, qui raconte l'histoire d'une jeune Américaine qui enquête sur la disparition mystérieuse de ses sœurs jumelles. Ça l'amène jusque dans la forêt d'Aoko Gihara au Japon, où les gens partent finir leur vie. C'est d'un ennui mortel. C'est vraiment très mauvais comme film. Il ne se passe absolument rien. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'est que le générique de la fin arrive. Et malheureusement, il s'est fait beaucoup trop attendre. The Forest, selon moi, évité. Autre truc, The Circle, un film fantastique qui se veut le chapitre 1, et ce, je crois que c'est tiré de livre, qui est un... c'est suédois. C'est de Lavan Akin, que je ne connais pas, et qui raconte l'histoire de jeunes lycéennes qui sont choisies malgré elles pour faire partie d'un clan de sorcières et on leur fait développer certains pouvoirs pour être capable de combattre les méchantes forces du mal. Ben, c'est assez moyen. Pardon, c'est assez moyen. C'est un peu lent aussi, et bon, c'était peut-être parce que c'était la mise en situation comme étant le chapitre 1, mais j'ai plus ou moins aimé The Circle. En fait, je ne crois pas que je vais répéter l'expérience avec la suite. Puis autre truc, en fait, je l'ai pas terminé, mais j'en suis à la moitié. La deuxième saison de Better Call Saul, qui est connotation thriller policière comme série, qui met en vedette Bob Odenkirk, et qui raconte, qui est la suite des aventures de ce cher Jimmy McGill, alias Saul Goodman, qui devient, malgré lui, un avocat qui a un certain talent, mais qui se met les pieds dans les plats de façon lamentable et qui embarque beaucoup de gens avec lui dans ses plats, justement. C'est très bon, et ça se veut une forme, si on veut, de préquel à Breaking Bad, puisque la première saison l'avait fait, et la deuxième va un peu plus loin dans des personnages qui sont assez importants, qu'on a pu voir dans Breaking Bad, mais on les voit avant cette période, donc un peu en devenir, si on veut. C'est très, très original. Par moments, c'est même loufoque. Bob Odenkirk est excellent dans le rôle de Jimmy McGill, alias Saul Goodman. Moi, j'ai été, jusqu'à présent, je ne suis aucunement déçu de cette deuxième saison qui, ma foi, est vraiment, mais vraiment originale et parfois inattendue. Je devais vous parler, comme je l'avais dit la semaine dernière, du film Intruders, un film de Adam Schindler, qui est un film qui lie la science-fiction à l'aventure, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je me propose de le faire pour l'émission de la semaine prochaine et vous en reparler. Parce que faut dire qu'à travers ça, je vais avoir encore plein d'autres trucs à écouter. Principalement, beaucoup de séries qui m'intéressent, là, qui sont en attente en ce qui me concerne, là, comme Vinyls, entre autres. Bref, je devrais avoir quelques trucs à meubler pour cette chronique de cinéma de la semaine prochaine. Musicalement parlant, la deuxième présentation de la soirée, nouveauté, il s'agit de la formation belge Aborted, formation qui donne dans un death metal parfois assez caustique, et je parle de leur dernier album, qui est leur neuvième album studio, soit Retrogore, sous étiquette Century Media, qui est disponible en CD et vinyle, justement, vinyle, bah oui, LP. C'est très puissant et très méchant. C'est un death metal de la part de ces Belges d'Aborted qui est, je dirais, assez marquant, assez tranchant, assez edgy, si vous préférez. Je vous propose d'écouter trois pièces de ce nouvel album Retrogore. On va entendre la pièce titre, on va entendre Cadaverous Banquet et From Beyond the Grave, Aborted. Ah ben, en fait, je t'apprends à me demander une chose, moi, là. Non, on va y aller tout de suite. Go! We'll be right back. second captain died, this time of starvation. Heidnik put the remains in a blender, mixed them with cans of dog food, then forced the others to consume it. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage qui. Oui. aujourd'hui. Qui n'ont pas compris, l'émission s'appelle Assemblage requis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Pour une deuxième année consécutive, CIFU 89.1 FM devient la radio officielle des Aigles Canam de Trois-Rivières. Radiodiffuseur pour tous les matchs locaux ainsi que les matchs sur la route de Québec, ne manquez rien de l'action des Aigles de Trois-Rivières dès le 19 mai à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Visitez le cifou.ca et notre page Facebook pour les demandes de publicité lors des matchs. Vendredi 6 mai, 21h30, au Zénob. Venez assister à la grande cérémonie musicale Kitsch Pop humoristique de Rob Bob et du Limoilou Libre Orchestra. En première partie, BOM. Pour une folle soirée country, joke, folk et plus, soyez avec nous pour le Rob Bob et le Limoilou Libre Orchestra ce vendredi 6 mai au Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Ma chérie, t'es tellement belle, la masse bonite de la rue. C'est fou. C'est fou. Quatre-vingt-neuf. 20h36. Nous sommes vers le dernier droit de cette édition de réanimation, mais il nous reste encore quelques bons trucs. On vient d'entendre à l'instant trois extraits du neuvième album studio de cette formation belge Aborted, Retro Gore, qui est paru le 22 avril dernier sous étiquette Century Media. Comme vous avez pu le constater, eh bien, dites-vous que ce que vous avez eu comme aperçu dans ces trois pièces, ben, ça représente assez bien l'album. C'est dans le port posant. On vient d'en voir à l'instant avant la publicité From Beyond the Grave. C'est une de mes préférées, je dois dire, jusqu'à présent. C'était précédé de Cadaverous Banquet et en ouverture, la pièce titre, soit la deuxième de l'album, Retro Gore. C'est une formation qui est assez professionnelle, je dois le dire, qui donne dans un death metal très caustique, très puissant, très efficace et très graffignant au passage. Et personnellement, ben, ça me plaît quand même assez bien. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous ferai la présentation de la formation italienne Darkened et de cet album qui porte le titre de Canticle of Shadow, une formation qui donne dans un black metal symphonique à tendance horreur. C'est vrai, ben, les black metal, c'est pas moi tout le temps l'horreur, là, mais eux autres, ils ont des ambiances qui sont très typiquement horreur entre et à travers leurs pièces. C'est vraiment excellent. Et cette semaine, n'oubliez pas que dès 11h ce vendredi 6 mai, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie de mon ami le Rockmaster Alain Lefebvre. Nous allons vous présenter cette semaine des nouveautés qui sont de l'ordre de King Gizzard and the Lizard Wizard, Hisan, et une nouvelle formation du nom de Beastmaster. Il y aura aussi la présentation des albums classiques qui sont parus respectivement à 40 et 45 ans, soit Rocks d'Aerosmith et Sticky Fingers des Rolling Stones. Et Alain vous présentera dans sa chronique des groupes obscurs une formation anglaise du nom de Shuta, qui a fait carrière au début des années 70, en plus des chroniques habituelles qui sont Ça passe ou ça casse, bien sûr les nouvelles du rock, les éphémérides, et aussi la fonte chez les amateurs de rock. Chronique qui est des plus sérieuses, je dois le dire. Donc, 11h à 17h, classique pour les vrais amateurs de rock. Et si ça vous tente d'avoir une idée de quoi ça va, un aperçu de, que ça va, de quoi ça va avoir l'air cette semaine, ben voici. C'est des meilleurs. Vous avez vu ça? Mais c'est pas du rock, mais c'est classique. C'est Bobino. Oui, effectivement, la qualité audio est assez pauvre, surtout qu'il n'y avait qu'un canal qui fonctionnait. Mais bon, ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut vous passer à la classique quand même. Je vous le rappelle, comptez la semaine prochaine, parce que cette édition s'achève, compte tenu qu'il ne reste que quelques 20 minutes. Il ne restera que deux émissions à réanimation pour la pause estivale. Cette année encore, je céderai l'antenne, la plage horaire de réanimation pour la diffusion du baseball, des Aigles ici, qui sont une excellente équipe, doit-on le dire, et qui ont gagné le championnat l'an dernier. Moi, je suis un fan de baseball, donc à quelque part, ça va me permettre d'aller voir plus de parties. Mais c'est pour la période estivale, au mois de décembre. Qu'est-ce que je dis là? Au mois de septembre, je serai de retour. On va continuer musicalement, cette fois-ci, avec l'excellente formation australienne qui, je dois le dire, lors de la présentation de cet album Wildfire, il y a quelques semaines, peut-être même plus deux mois, j'avais dit que juste à présent, c'était encore mon album préféré de l'année. C'est toujours le cas. Destroyer 666 et la pièce-titre Wildfire. We'll be right back. Oh, formation des Pays-Bas, le Monolith Death Cult, et la pièce Drugs, Togs and Machetes, qui est tirée de Tetragrammaton, qui est paru en 2013 sur Season of Mist. Ça, c'est vraiment un très bon album. Si vous aimez la musique, il y a une tendance industrielle, bien entendu. Juste avant, nous avions la formation suédoise The Resistance et une pièce tirée de leur deuxième album, soit Resolution. L'album étant Coup de grâce, paru en 2016, un peu plus tôt sur Air Music. Et nous avons ouvert avec la formation australienne, vraiment excellente. En tout cas, l'album est excellent. Destroyer 666 et la pièce titre de White Fire, paru en 2016 sur Season of Mist. On va se quitter avec une dernière pièce, mais n'oubliez pas que la semaine prochaine, je serai là dès 19h pour vous accompagner métalliquement encore pour une avant-dernière émission. D'ici là, ce vendredi 11h, et c'est même assez fou, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, en compagnie de mon ami Alain Lefebvre, le Rockmaster, et de moi-même. Et si vous êtes en carence de métal jusqu'à la semaine prochaine, bien ce vendredi sur Underground Québec, écoutez mon ami DJ Tower of Death et son émission Subversion, qui, ma foi, est fort subversive. Et pour plus autres renseignements, mieux consulter le ministère de la Faune à Ottawa. Mais non, c'est faux! Je m'en charge, genre classique. Allez sur le site de Sinistros, ce sinistre gobelin pestilentiel, et son blog Hurlemort. On cesse avec une dernière pièce de formation italienne, Aid, et la pièce dernière. Il va y avoir un nouvel album, là, si c'est pas déjà fait pour cette formation de brutal death metal conceptuel excellent, toi, Aid. On cesse avec une pièce tirée de leur premier Spartacus, qui est paru en 2013, et la pièce 6000 Crosses. Les gens matière noire s'en reviennent pour 21h. Restez assez fous pour plus de métal. Et d'ici là, bah, allez tous vous faire foutre. Go! For every rock to land and for every night to see.